إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واشكروه على نعمة الإسلام فقبل البعثة النبوية كان الناس إلا ما شاء الله على الضلال يعيشون على النهب والسلب والقتال يعبدون الشجر والحجر والأصنام والأولياء والصالحين ويتعبدون ويتبعون كل كاذب وساحر وكاهن ودجال فبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى فقام بأداء رسالة ربه خير قيام فبشر وأنذر وصدع بأمر الله تعالى وجهر وجعل المشركون يسخرون منه ويستهزئون به ويذوقونه أشد الأذى ويعذبون من آمن به ليردوهم عن دينهم وكان عمه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب يحميه من أذى قومه وكانت زوجته خديجة رضي الله عنها تؤنسه وتعينه واشتد أذى قومه له ولمن آمن به ومات عمه أبو طالب وزوجته خديجة في عام واحد فاشتد حزنه وتطاول المشركون واشتد به الكرب وضاق به الحال فخرج من مكة إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله يعلموا ولعلهم يؤمنون به ويناصرونه حتى يبلغ رسالة ربه فقابل رؤساءهم وعرض عليهم ما جاء إليهم من أجله فردوا عليه ردًّا قبيحًا وأغروا عبيدهم وغلمانهم يسبونه ويرمونه بالحجارة حتى أصابوا رجله وسال الدم من عقبه عليه الصلاة والسلام فرجع عنهم قاصدًا مكة ولكن أنى بمكة وفيها ألد أعدائه لقد تكالبت عليه الأعداء من كل جهة وحينئذ لجأ إلى ربه ومد يديه ودعا وقد سمع الله عز وجل شكواه فما أتم دعاءه حتى أرسل الله إليه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق الأخشبين على أهل مكة وهما الجبلان اللذان هي بينهما فقال صلى الله عليه وسلم بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا ويبقى صلى الله عليه وسلم أياما في طريقه بين الطائف ومكة وقال له زيد بن حارثة رضي الله عنه كيف تدخل على أهل مكة وقد أخرجوك فقال صلى الله عليه وسلم يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه ثم انتهى إلى مكة ودخلها في جوار المطعم بن عدي وأتى البيت العتيق وطاف به والمطعم بن عدي وأولاده محدقون به وهم مدججون السلاح يحرسونه حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وبعد ذلك قيض الله له الأنصار من أهل المدينة فالتقوا به في موسم الحج فآمنوا به وبايعوه على أن يمنعوه إذا قدم إليهم في المدينة مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم فأذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليهم فهاجر في شهر ربيع الأول بعد ثلاث عشرة سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم وخرج بصحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه خرج من مكة خفية لحرص المشركين على منعه من الهجرة واختفيا في غار ثور ثلاثة أيام والمشركون يطلبونهم من كل وجه حتى وقفوا على الغار الذي اختفيا به فيقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا وقد سجل الله ذلك في قوله سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم فلما سمع الأنصار بخروجه إليهم جعلوا يخرجون كل يوم إلى حرة المدينة ليستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشتد بهم حر الظهيرة فيرجعوا إلى بيوتهم إلى أن حان اليوم الذي أشرقت به طلعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرحوا به فرحا شديدا واجتمعوا إليه يحيطون به متقلد السيوف كل واحد منهم يأخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد منه أن ينزل عنده وهكذا جاء الفرج وحان النصر ووجد النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون معه إخوانا لهم من الأنصار قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الدار والمنعة والأنصار شرع الله له جهاد الكفار الذين يصدون عن سبيل الله فأظهره الله عليهم وأيده بنصره وبالمؤمنين فما هي إلا أعوام قليلة حتى عاد إلى مكة التي أخرج منها فدخلها فاتحا معززا منصورا تحيط به جيوش التوحيد وكتائب الإسلام فدخلها من أعلاها مكبرا مهللا خاضعا لربه شاكرا لنعمته وطاف بالبيت ودخل مكة المشرفة وحطم ما حولها وما عليها من الأصنام وقام قريش التي أخرجته بالأمس تقول يا معشر قريش ما ترون أني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقريش يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال إني أقول لكم ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء ثم أرسل إلى اللات والعزى ومنات وغيرها من الأصنام أن يهدم وأمر أن يهدمها عباد الله تذكروا هذه الهجرة هذه الهجرة العظيمة وما فيها من العبر في كل وقت فاقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم في الجهاد والصبر والثبات على الدعوة إلى دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم اليأس واقرأوا سيرة نبيكم وأحداثها العظام ليقوى يقينكم ويزيد إيمانكم وتنمو معلوماتكم ولا تكونوا كالذين نسوا هذه الذكريات فلا يلتفتون إليها إلا على رأس السنة حين يقومون أو يقيمون ما يسمونه بالاحتفال بذكرى الهجرة النبوية وهذا الاحتفال بدعة لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحبته ولو كان خيرا لم يتركوه إن المطلوب من المسلمين أن يطلعوا على سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم غير متقيدين بوقت أو احتفال وأن يعملوا بما يعلمون منها لأن هؤلاء الذين يقيمون الاحتفال بهذه الذكرى غالبهم لا يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينفذ شرعه ولا يقيم دينه يقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله الحمد لله الذي شرع الهجرة والجهاد لنشر الدين وقمع الفساد ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المهاجر بدينه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها فيبقى حكم الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام ثابت وقائم وليس فقط شيء يذكر في كتب التاريخ أو في المناسبات في كل سنة بل هذا حكم يستمر معنا إلى آخر الدنيا ويبقى الحكم على المسلم إذا استطاع أن يهاجر ولا يستطيع أن يظهر دينه في بلد من البلدان أن يهاجر إلى بلاد الإسلام التي يستطيع أن يقيم فيها دينه ويظهر دينه ويفتخر بدينه ويعمل بتعاليم دينه بكل حرية وفخر. وكذلك عباد الله تذكروا فضل صيام شهر المحرم، فإنه أفضل الصيام بعد رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وكفى فيه أن فيه يوم عاشوراء الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. واعلموا عباد الله أن السنة صيام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود. Serviteurs d'Allah, craignez Allah et soyez reconnaissants envers lui pour la grâce de l'islam, du fait qu'il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que les hommes étaient dans l'égarement. Et les hommes adoraient n'importe quoi. Ils adoraient les arbres, les pierres, les idoles. Ils adoraient les saints, les hommes pieux. Et les gens suivaient n'importe qui, parmi les sorciers, les médiums, les voyants, les faux prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a suscité un messager qui leur récite ces versets et qui les purifie, et qui leur enseigne le livre et la sagesse, et qui les a guidés de l'égarement, leur a enseigné ce qu'ils ignoraient, et leur a fait voir après avoir été dans l'aveuglement et dans l'ignorance. Et il a établi le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a averti son peuple. Et il a averti l'humanité tout entière. Et il a fait entendre le message que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire entendre à l'humanité. Et bien entendu, les idolâtres et les mushrikoun au début de l'islam se moquaient de lui et se raillaient de son message. Et lui faisait toutes sortes de difficultés et torturait les croyants et leur faisait toutes sortes de châtiments pour les faire revenir de leur religion. Et donc les croyants ont subi beaucoup de difficultés à cause de leur foi en l'unicité d'Allah et leur rejet des idoles et de l'idolâtrie. Et à l'époque, il y avait l'oncle du prophète Abu Talib qui le protégeait contre son peuple. Et il était également supporté par son épouse Khadija radiallahu anha. Et lorsque son peuple a continué à lui faire ressentir toutes sortes de difficultés et lui faire subir toutes sortes d'épreuves et de mal, son oncle ainsi que son épouse sont décédés durant la même année. Et donc, la tristesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam était grande. Et les mushrikoun ont commencé à augmenter leurs moqueries et leurs insultes et leurs attaques contre l'islam et contre le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché qui allait le supporter et qui allait le défendre dans la propagation du message de son Seigneur. Et donc il s'est dirigé vers les habitants de Taif pour essayer de voir s'ils allaient l'aider dans la propagation du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été accueilli par les esclaves et les jeunes qui lui lançaient des pierres et qui lui ont même fait saigner ses pieds sallallahu alayhi wa sallam en lui lançant des pierres. Alors il est revenu de Taif. Et en chemin, l'ange des montagnes est venu à lui en lui demandant s'il voulait qu'il écrase les mushrikines avec les deux montagnes qui entourent la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant que non, il se peut que dans leur progéniture, il y ait des gens qui vont adorer Allah seul et qui vont ne rien associer avec lui. Mais le problème, c'était de revenir à la Mecque, puisqu'il a été chassé par son peuple. Il ne pouvait plus revenir, excepté par la protection d'un d'entre les hommes forts de la région, Al-Mut'am ibn Adi. Et c'est lui qui est venu avec ses fils pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour le faire revenir à Mecca, en avertissant les mouchriquins que personne ne devait atteindre à sa personne ou lui faire du tort. Et c'est pendant la période du Hajj que Allah subhanahu wa ta'ala a fait voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam les lueurs de la victoire et de son support par la venue d'un groupe de la ville de Al-Madinah parmi les Ansar qui ont accepté l'islam et qui ont donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils allaient le protéger et le défendre dans la propagation de son message de l'islam. Et c'est par la suite que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer et de faire la hijra de la Mecque vers Al-Madinah en compagnie de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Et il est parti en se cachant pendant 3 jours dans la caverne de Thawr. Il restait 3 jours et les mouchriquins le cherchaient. Il y avait un prix sur sa tête. Et ils sont arrivés près de la grotte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était caché. Et Abu Bakr était avec lui, craignant que les mouchriquins allaient le voir. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô messager d'Allah, si les mouchriquins regardent par terre, ils regardent leurs pieds, ils vont nous voir. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant, ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'ils étaient tous les deux dans la caverne, dans la grotte, et lorsqu'il dit à son compagnon, ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur eux sa quiétude et les a supportés de ces armées que vous ne pouvez voir. Et il a fait que la parole de ceux qui ont mécru soit la plus basse et que la parole d'Allah soit la plus haute. Et Allah est le Tout-Puissant et le Sage. Approchez-vous un peu. Barakallahu fiikum. Et donc les habitants de Al-Madinah attendaient la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils ont appris que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait quitté Mecca. Tous les jours ils allaient pour attendre sa venue jusqu'à ce qu'il arrive sallallahu alayhi wa sallam. Et les habitants de Médine se sont réjouis à son arrivée. Chacun d'entre eux voulait tenir la laisse de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun d'entre eux souhaitait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit leur invité chez eux. Et c'est à partir de là que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à délivrer les croyants et à leur donner la victoire, ainsi qu'à ses frères parmi les Ansar qui ont donné le support et la force aux croyants. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé que le nombre des croyants a augmenté, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré par la suite le djihad contre les kuffars qui obstruent le sentier d'Allah et qui veulent empêcher le message de l'islam de se propager sur la terre. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux croyants et il a défendu son prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a supporté contre les mushrikin. Et c'est après cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après 10 années, il s'est dirigé vers la Mecque. Ceux qui l'avaient chassé auparavant avec une armée immense, et il est rentré à la Mecque en toute puissance et force et avec toute humilité pour son Seigneur, en le remerciant de sa grâce et en entrant à la Mecque, il a fait le tawaf autour de la Kaaba et il a détruit les idoles qui se trouvaient autour. Et il a dit à Quraysh, que pensez-vous que je vais faire avec vous? Et ils ont dit, tu vas nous faire du bien puisque tu es un homme généreux, fils d'un homme généreux. Alors il a dit, je vous dis ce que Youssef alayhi salam a dit à ses frères, aucun blâme contre vous aujourd'hui, partez, vous êtes libres. Et il a envoyé parmi ses compagnons pour aller détruire les grosses idoles que les mouchriquins adoraient, Al-Lat et Al-Uzza et Manat, et ainsi que toutes les autres idoles qui étaient adorées dans la péninsule arabe, pour les détruire à jamais. Serviteurs d'Allah, souvenez-vous donc de cette hijra, de cette émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment il a quitté la terre des mouchriquins, qui était la terre à cette époque-là, qui était contrôlée par les mouchriquins, alors qu'à la base c'est la ville sainte, la ville sacrée à Mecca. Mais lorsqu'il était devenu une ville de kufr et de shirk, il l'a quitté pour aller vers la ville de l'islam. Et il a lutté et il a fait preuve de patience. Et il a été ferme dans l'appel et l'invitation à la religion d'Allah et dans l'ordonnance du bien et dans l'interdiction du mal. Et il n'a jamais perdu l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et en sa victoire. Et donc c'est pour que ce soit pour nous une leçon, pour qu'on suive son exemple dans sa détermination et dans sa détermination et dans la façon dont il a persévéré pour faire en sorte que le message d'Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus et qu'il ait finalement la victoire. Et donc il faut se rappeler de ça. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire une fois par année, qu'on en parle et puis après on l'oublie. Ou quelque chose qu'on prend comme un événement historique qui s'est passé à l'époque et que ça c'est fini maintenant. Puisque le verdict de la hijra, il continue jusqu'à la fin des temps. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans le hadith authentique que le verdict de la hijra, il ne va pas cesser jusqu'à ce que cesse la repentance. Et la repentance ne va pas cesser d'être acceptée jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. C'est-à-dire que le verdict de la hijra, c'est-à-dire de quitter les pays de kufr et de shirk pour aller dans les pays de l'islam, c'est un verdict qui perdure et qui reste obligatoire pour ceux qui sont dans des pays où ils ne peuvent pas appliquer ouvertement leur religion et appeler ouvertement à la vérité. Et donc, dans ce cas-là, c'est une obligation pour eux, s'ils ont la capacité de quitter ces pays, de kufr et de shirk pour aller vivre dans les pays de l'islam. Et à la base, c'est comme ça que les choses doivent être, puisque le musulman, il vit parmi les musulmans, il ne vit pas parmi les juifs et les chrétiens, les idolâtres, les mouchriquins, dans des endroits où il sait qu'il va avoir de la difficulté à appliquer sa religion. Qui d'entre nous ici va aller habiter, par exemple, en plein milieu des bouddhistes et des hindous? Qui parmi nous va penser à ça? Mais comment ça se fait que quelqu'un va s'imaginer que de vivre parmi les juifs et les chrétiens, que ça c'est meilleur, que c'est mieux que chez les mouchriquins? Il faut se poser la question, est-ce que dans cet environnement-là et dans ce contexte-là, le musulman est capable de s'épanouir dans son islam réellement et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah nous a ordonné de l'adorer? Et est-ce qu'il va être capable également de préserver sa religion comme il faut, ainsi que celle de ses enfants? Parce que beaucoup d'entre nous, on arrive à s'encourager à pratiquer l'islam et à venir à la mosquée et à prier et essayer de s'accrocher au minimum de ce qui est ordonné par l'islam. Mais qu'en est-il de nos enfants? Qu'en est-il des petits qui vont dans les écoles publiques dans les écoles non musulmanes et que lorsque c'est l'heure de la prière, ils ne prient pas. Hein? Et lorsque c'est Ramadan, ils ne jeûnent pas. Et ainsi de suite. Et la pression des pères, la pression des professeurs, la pression de la société est tellement lourde sur eux. Même pour les adultes, elle est lourde. Et elle est difficile, cette pression, à la supporter. Alors que dire des petits-enfants qui n'ont pas encore la personnalité assez forte pour s'objecter, pour refuser ce qui est mauvais, pour s'objecter à tout ce qui est contraire à l'islam et à tenir tête aux contradictions et aux choses qui opposent la religion d'Allah. Donc il faut tenir ça, prendre ça en considération. Et ça ne veut pas dire qu'on critique par exemple le fait de rester dans les pays non musulmans. Ça ne veut pas dire que les pays musulmans, c'est des pays parfaits. Et souvent, ça, c'est une chose que les musulmans oublient. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent que pour qu'un pays soit un pays musulman, que ça doit être un pays où vivent des anges, que personne ne fait aucun péché et que tout doit être parfait, qu'il ne doit y avoir aucune injustice et qu'il ne doit y avoir que la justice absolue et qu'on doit vivre comme si c'était le paradis sur terre. Mais personne n'a jamais dit qu'un pays musulman, c'était ça. Un pays musulman, ça ne veut pas dire que c'est un pays qui est parfait. Un pays musulman, ça veut dire qu'il y a dedans des musulmans qui font des péchés et qui demandent pardon à Allah lorsqu'ils font des péchés, qui font de l'injustice et qui doivent se repentir lorsqu'ils font de l'injustice, qui essaient de faire quelque chose de meilleur avec leur société, qui travaillent pour avancer vers l'avant, qui essaient de devenir meilleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on est garanti absolument d'être 100% sur l'islam et sur la perfection. Donc arrêtez de penser ou de critiquer les pays musulmans ou vos pays d'origine qui sont des pays d'islam et de voir que ce qui est mauvais dans vos pays d'origine. Puis quand vous regardez les pays des non-musulmans, vous dites « c'est parfait, il n'y a aucun problème, aucun défaut, tout va bien ici ». Hein, c'est le paradis sur terre. Ce n'est pas vrai. Il y a plein de choses qui sont mauvaises ici. Vous regardez que le bien et vous oubliez le mal. Mais quand vous regardez les pays musulmans, vous regardez que le mal et vous oubliez le bien. Pourquoi deux poids, deux mesures? Donc il faut être juste. Il faut être juste. Et puis il faut regarder les choses du point de vue de la foi, du point de vue de l'islam. Pas du point de vue matérialiste seulement. Du point de vue de la dunya seulement. Et on regarde uniquement l'extérieur et on oublie de regarder la réalité qui est cachée à l'intérieur des choses. Donc tout ça, c'est des rappels pour nous. Et pour terminer, on est dans le mois de Muharram. Et le mois de Muharram, c'est un mois qui est recommandé de jeûner. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait qu'après le mois de Ramadan, il n'y a pas un meilleur mois à jeûner que le mois de Muharram, pour celui qui cherche la récompense d'Allah. Et également, dans ce mois de Muharram, il y a le 10e jour, qu'on appelle le jour de Ashura. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui jeûnait le jour de Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala allait lui pardonner les péchés de l'année qui vient avant, l'année précédente. Donc, ça c'est quelque chose qui doit nous encourager à faire des efforts pour ça. Et pour contredire l'exemple des juifs, il nous a ordonné de jeûner un jour avant ou bien un jour après. Donc Ashura, soit tu jeûnes un jour avant ou un jour après, le 9e ou le 11e, avec le 10e jour. Et c'est pour se souvenir de l'exemple de Moussa alayhi salam lorsqu'il a été sauvé de l'Égypte. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.